Selon des dépêches en provenance de Séoul, la 23e action pan-nationale a eu lieu le 29 avril sur la place de Gwanghwamun à Séoul, sous les auspices de l'Action populaire extraordinaire pour la chute du pouvoir de Park Geun-hye. Y étaient présents plus de 50 000 personnes, dont les membres des organisations civiles et sociales, religieuses et estudiantines, et des citadins. Précédemment, ils ont tenu des meetings préalables sur la place et à ses alentours pour demander au gouvernement l'éclaircissement du dessous de la catastrophe du paquebot Sewol, la punition des responsables et l'augmentation des salaires. Par la suite, s'est déroulé un rassemblement à la bougie. L'Action populaire extraordinaire pour la chute du pouvoir de Park Geun-hye a publié le texte d'exigence de réforme, de renforcement et d'assurance en 100 points des 10 secteurs, tels que le système plutocratique, les institutions de l'ordre public comme l'agence de renseignement et le parquet, les systèmes politiques et électoraux, l'emploi, les droits fondamentaux du travail, le bien-être social, les rapports sud-nord, l'enseignement, la liberté de la presse. Le meeting fini, les participants ont marché vers le siège du Premier ministre et l'ambassade des États-Unis. Devant le siège du Premier ministre, les manifestants ont demandé catégoriquement aux autorités le retrait de la disposition de SAD.